sur la glace, loin des lamas, des babouins. Vous verrez à la surface la chorale des pingouins. Habillés de noir et blanc, on est un groupe de copains. Il fait moins froid en chantant la chorale des pingouins. Notre famille est la tienne, jamais seule quoi qu'il advienne. La vie s'offre devant nous, tous ensemble maintenant.